Parce que son gros pouvoir, les racontés ont bébé toléré, nous pas mandé quitter. Sous toute la terre, messieurs, c'est la femme qui a dominé. Les bien réfléchis, moi, sans la femme, nous garçons pas à persister. Pour qui raison, des fois, de plaisir, pour nous faire une méchanceté. Sans la femme, pas ta bien la vie, c'est eux-mêmes qui sont sanatis. Les quatre points cardinaux sont le nord, le sud. Est-ce que la femme est pouvoir?